À l'occasion du 85e anniversaire de la fondation de l'héroïque armée populaire de Corée, le corps des conseillers économiques et commerciaux en Corée a offert la lettre de félicitations au dirigeant suprême Kim Jong-un. Le conseiller de l'ambassade russe en Corée, Pavel Leshakov, doyen du corps des conseillers économiques et commerciaux en Corée, l'a transmise le 24 courant à un cadre coréen intéressé.